Il faut retarder l'heure matinale de se revoir au miroir. Aujourd'hui un peu plus mort qu'hier, et bien moins que demain. C'est beau ce que je dis là. On dirait du Giraudoux. Quel con ce Giraudoux. Pourtant il était limousin. Mais quel con. Encore un qui buvait de l'eau. Bah oui, écoutez, on n'écrit pas Ondine impunément. Bon, notez que Ondine, c'est pas que de la flotte, hein. Il y a à boire et à manger là-dedans. Si, c'est vrai, rappelez-vous la scène du dîner de l'acte 2. Hein? Rappelez-vous, la scène représente la scène. Côté cour, un jardin. Côté jardin, la mer. Au centre, l'humble maison d'Ondine au dos des dunes, où la mère d'Ondine dresse la table. Par la fenêtre entrouverte, Ondine regarde la mer. Par la mer, la mer. Elle est amère. Par la mer, Ondine. Son œil scrute l'horizon où sa mère doit. Où sa. Non. Qu'est-ce que ça ? Son œil scrute l'horizon où son père doit pêcher le congre ou le bar. Le congre que le bar aborde ou le bar que le congre vêt. Car Ondine a la dalle et la mère a l'écrou. Selon qu'il aura pris la barque à congre ou la barque à barre, le père devra remplir la barque à congre à rabord de congre ou la barque à barre à rabord de barre. Or, il a pris la barque à barre. Au premier plan, rappelez-vous, le spectateur voit au flanc de la montagne rouge-feu moutonner un maquis vert. Il y serpente des chemins rares qui débouchent soudain sur des criques sauvages où nul imbécile cintré dans sa bouée Snoopy ne vient jamais ternir de son ombre grasse et populacière l'irréelle clarté des fonds marins mordorés où s'insinue le congre que donc le bar à bord. Ben oui, le bar à bord, le congre par atavisme. Le congre est barivore et donc le bar à bord. Si vous voulez, le bar est fermé au congre du fait même que le palais des congres est ouvert au bar. Le court extrait d'Ondine, que je vais avoir l'honneur de vous interpréter maintenant, se situe au moment précis où Ondon, le frère d'Ondine, part pour la Crète. La nuit tombe, la mère d'Ondine et d'Ondon appelle sa fille. La mère. Ondine. Ondine. Oui, la mère. La mère. T'as vu l'heure? Ondine. Et alors la mère? La mère. Et alors Ondine?